Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë ou seul au boulot, dans une chaise longue, en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Rouge comme les règles, une série de Juliette Boutillier réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a la difficulté de dire les règles, les airs dégoûtés, les rires gênés, sa première fois ou ces jours où l'on est resté en boule sur son lit avec une bouillotte. Et puis, l'envie de parler du quotidien qui va avec, précaire ou confortable, jusqu'à la poésie étrange faite de colère, de puissance, de honte et de fierté qui peut s'en dégager quand on étale tout ce sang au grand jour. Alors pour commencer, les personnages. Des écrivaines qui l'ont raconté, une peintre qui dilue, une historienne de l'art sur les traces, une performeuse dans sa baignoire, des copines vigilantes et une photographe. Ensuite, le décor. Des lavis de sang, des robes de mariée tachées, une odeur de violette fanée, le centre Pompidou, des salles de bain, du sang séché, des coulures, du sperme et de l'urine. Aujourd'hui, quatrième épisode, on ouvre les cartons à dessin. J'entre dans le monde des femmes en même temps que dans le monde des chiffres. C'est le début d'une ère nouvelle dominée par le 28 qui oblige à compter. Les jours et les semaines, la régularité, les retards, les aménorrhées, les retards. L'existence s'installe dans un rythme nouveau. 4 semaines pile, c'est quand même incroyable. Les aménorrhées, c'est le chiffre des filles dans un rythme nouveau. Mais pour moi, ça ne marche pas. C'est un peu l'anarchie. Il me faut prendre mon temps et je comprends que c'est embêtant. Le docteur Grange me demande si j'ai un cycle régulier et je ne sais pas répondre. Le mot me fait penser au vélo de mon frère. C'est un peu l'anarchie. Il y a plusieurs catégories de filles, les adeptes du 28 et les fantaisistes, dont le corps rechit. Les adeptes du 28, c'est le ventre qui existe soudain, prend vie, devient chaud. C'est le ventre qui fait mal à la tête, met le cerveau dans un étau. Je n'aime pas cette ébullition. L'impression d'être un alambic qui infuse, transforme, distille, impose une chimie compliquée. Je n'aime pas l'idée d'être une fabrique, une usine, et encore moins une matrice. Les filles sont indisposées, comme on dirait indisponibles, ou empêchées. On dit aussi que les filles sont formées. Cela est effrayant. Les filles entrent dans la catégorie des femmes, ce qui les apparente à leur mère, induit comme une complicité. Ce n'est pas cette intimité que je veux. Je ne vois pas comment partager. Je pressens que cette appartenance est encombrante. Il va falloir me sauver. Quand on m'interroge sur mon travail et que j'explique, donc il y a deux couches d'informations. Ah, c'est du sang, d'accord. Et comment tu l'as eu, le sang? C'est le sang de qui? Je dis, bah, c'est le mien. Laetitia Bourget. D'accord. Et tu l'as eu comment? Je dis, bah, tu sais, ça s'écoule tout seul, j'ai rien à dire. Ah bon, mais tu veux dire quoi? Eh ben, tu sais, les femmes, elles perdent du sang tous les mois. Ah ouais, d'accord. Et là, on est au cœur de la question. C'est le fait qu'on passe tant, on met tant d'énergie à effacer cette dimension de notre vie, que il faut aller vraiment, vraiment pousser loin le clou pour que ça rentre, l'information, que ça revienne. Et c'est là où ça peut être violent. Par contraste, en fait. Entre l'effort qui est fait à tous les niveaux, dans l'imagerie publicitaire, dans les conseils d'hygiène, dans notre manière socialement d'être acceptable ou pas, enfin tout ça, il y a un tel effort d'effacement que, voilà, quand on ramène cette information-là, visible, là, ça peut être brutal, quoi. Alors il y a une matière qui est assez satinée en fait, et des parties où il y a une couche de sang assez épaisse qui ça reste brillant, et puis les parties où c'est plus en lavis, c'est mat, donc du coup il y a comme ça une texture qui reste assez organique, hein, en vertical, et donc je laisse couler. Ce qui fait qu'il y a une matière aussi de un petit peu aléatoire comme ça, de la coulure que j'aime bien. Et après, c'est une question d'usage, j'en supprime, j'en conserve. Là, tu vois, par exemple, ici, on a un petit peu les contours qui sont entamés par les coulures. Et j'aime bien qu'il y ait de l'imprécision, en fait. Donc, ce que j'aime, c'est les tensions comme ça qui y ait... un mélange dans l'impression qu'on a quand on regarde entre une séduction de références qui remontent comme ça et en même temps quelque chose d'inquiétant, d'un peu troublant, d'un petit peu curieux. Et dans les heures que je réalise, il y a souvent comme ça deux temps entre le moment où on voit et le moment où on a l'information et où on la digère, quoi. Voilà. Rouge. Histoire d'un tabou. L'art des règles. Et ce qui est intéressant pour moi là, récemment, c'est d'avoir pu collecter maintenant mon sang comme un matériau de peinture, comme de l'encre, comme tous les matériaux un peu traditionnels. De l'art graphique et pictural, en fait. Du coup, ça me permet de travailler le sang avec la même attention au tracé, au modelé. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est une matière qui permet beaucoup de repentir, dans la mesure où, si j'utilise de l'eau, ça permet de vraiment totalement effacer. Et ce qui me permet aussi de faire des lavis, c'est de mêler le sang avec de l'urine. Ce qui, je pense, permet en fait de faire ressortir qu'il y a comme ça une compatibilité entre les fluides corporels. Ça crée des nuances qui ne sont plus possibles en fait dès que j'utilise autre chose en fait que des matières du corps, quoi. D'abord, le sang, ça se palpe. Si on met une certaine quantité de sang sur la paume de la main, et qu'en la frottant avec le doigt, on la trouve onctueuse et grasse, cela présage la lèpre ou un engraissement excessif. Si en frottant ce sang entre les doigts et la paume de la main, on trouve des grains comme des grains de mil, de sable ou des petites pierres qui grincent, c'est signe certain de lèpre prochaine. Car si le bon sang se reconnaît à sa saveur douce, le sang altéré par la bile est amer. Il est insipide si le phlegme en est cause. En mettant le récipient dans diverses positions et en l'inclinant de ci, de là, vers chaque côté, on voit apparaître dans le sang, suivant ces diverses positions, des couleurs différentes, comme sur le cou du pigeon, suivant les divers mouvements de sa tête. Et c'est là mauvais signe. Le sang rosé, roux près des bords du récipient, rouge, pur de couleur, marque la prédominance du sang sur les autres humeurs. Le sang faible de couleur, blanchâtre, pâle, indique la prédominance du phlegme et une petite quantité de sang, de la crudité et de l'indigestion. Comment faire de l'art avec des règles ? Des plasticiennes, Laetitia Bourget, Paola Daniele, Maëlle Bossan, aidées du décodage d'Émilie Bouvard, conservatrice du musée Picasso, évoquent, partagent sans tabou, leur démarche artistique à travers la réappropriation d'un fluide caché. En s'inspirant de leur grand-mère, performeuse féministe et activiste des années 60 et de par le monde, elles parviennent à sortir ce sang de l'ombre et du dégoût. Mais avant de poursuivre, je voudrais lire une note rédigée au cours de ce travail documentaire et qui explique plus ou moins la raison pour laquelle aucune voix d'écrivain ne se mêlera à la leur. 17 août. Fascinée, j'ai confronté mon regard empoisonné à celui des sorcières. Et depuis quelque temps, sous la lune rousse, j'avance à tâtons, à reculons, les genoux griffés par l'agitation de fougères brunes, je chuchote, faites que s'éloigne ce paysage sanglant qui me trouble et me désordonne. J'entends au loin la voix de Sigmund. À avoir voulu trop explorer le fond du tabou, celui-ci a fini par se retourner contre toi. Fuis, fuis ce marécage sombre. Pourtant, assoiffé, avide, je continue. Mes doigts de pied incrustés dans la vase du pourpre, mes yeux coagulés sur des mots de papier, je relis toute une littérature de sang, d'abord la liturgie des maris. La cardinale, au corps devenu fou et saignant, au corps dont le propre sang est devenu son pire ennemi, et dans des lieux, à des moments inopportuns, je regarde bouillonner ce sang en d'étranges hémorragies inexpliquées avant qu'elle ne trouve les mots pour le dire. Je pense à Clève de Marie Dariussecq. Je lui demande, par l'intermédiaire de sa maison d'édition, comment écrire le corps, le sang, sa présence de la première fois, le flux d'une intimité. Je n'aurai jamais de réponse. Lui a-t-on adressé ? Alors, c'est vers Virginie Despentes que je me retourne. Celle qui, dans Vernon Subutex, écrit « Si les mecs avaient leurs règles, l'industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech. Quelque chose de digne, qu'on se fixerait le premier jour et qu'on expulserait le dernier. Un truc clean et qui aurait de l'allure. Et on aurait élaboré une drogue adéquate pour les douleurs prémenstruelles. On les laisserait pas tout seuls patauger dans cette merde, c'est évident. » Mais, trop occupé par la promotion du livre, il lui est difficile que nous nous rencontrions. Idem pour Annie Ernaux, avec qui j'aurais aimé évoquer Mémoire de fille, le statut de la fiction, les fractions du réel et son écriture. L'auteur me répond très gentiment, mais des raisons personnelles l'empêchent. Les fluides de la différence sexuelle, donc sperme, sang des menstrues et lait. Maëlle Boussan. Je suis actuellement en plein questionnement pour savoir si j'intègre la cyprine ou pas et comment, parce que sperme, sang des règles et lait sont très liés symboliquement depuis très longtemps. Je pense que ce sont des fluides qui maintiennent et reproduisent la vie, et qu'on cherche, en les manipulant, à manipuler symboliquement tous les contenus sémantiques qui leur sont associés. Et ce sont des contenus très denses, puisque ce sont des fluides qui vont donc nous parler de sexualité, et par le sexe, je veux dire à la fois le sexe biologique, donc mâle, femelle, les organes génitaux, et aussi le genre, donc le sexe en tant que construit social, du masculin et du féminin, et puis aussi tout ce qui se trouve entre, parce que c'est un spectre et non pas une polarité, et tout ce qui se trouve en dehors aussi. Mais ça parle aussi de notions d'hygiène, de propre, de sale, de la souillure, du tabou, de la limite et de la marge, et donc de sa possible transgression. Ça nous parle du rapport social au corps et à son ouverture, ça nous parle des constructions culturelles et sociales du féminin et du masculin. Ça nous parle de la sexualité comme pratique codifiée, etc. Je pense que le travail qui représente le mieux ma démarche et la série que je considère un peu comme ma série vitrine, c'est une série de 16 macro-photographies, donc des photographies en très gros plan, de serviettes hygiéniques et tampons usagés. Donc c'est une série qui s'intitule « Dentelle ». C'est un petit peu abstrait et on y voit émerger une forme de beauté qu'on n'attend pas forcément de ce type de photographie, en tout cas qu'on n'attend pas forcément trouver sur un tampon ou une serviette hygiénique usagée. J'ai remarqué en montrant ces photos que quand le spectateur ou la spectatrice ne sait pas ce dont il s'agit, voit des fruits, voit en fait toute autre chose et se laisse un peu happer par l'image. Je pense que la macro permet cette abstraction. Donc pour moi, il s'agissait vraiment de me faire violence et de travailler la macro comme une confrontation très directe avec mes menstrues, avec ce sang qui coulait de moi et avec lequel j'avais beaucoup de mal. ça a été assez difficile. Donc d'y voir émerger une certaine beauté qui est complètement indépendante de mon appareil, de moi, de mes capacités techniques, ça a été une première surprise, oui. L'art n'a de sens pour moi que s'il trouble. Donc tous les développements plastiques qui manifestent cette stratégie de la suggestion, du détour, du montrer caché ou du voiler dévoilé, cultivent une ouverture du sens en même temps que, donc, dans le cas des fluides, une ouverture du corps. Pour moi, ça s'apparente à un code à déchiffrer dans lequel chaque regardeur, chaque regardeuse investit aussi sa propre charge affective et sa propre mythologie personnelle. Et là, je constate que la performativité de ce trouble est réelle. Ces fluides sont vraiment un punctum signifiant et la fonction esthétique leur donne une grande ampleur. Pour moi, l'esthétique du trouble, c'est ce qui fait désordre, c'est ce qui crée un écart et c'est ce qui bouscule les normes. Donc on dérègle un prédicat, on dérègle une norme, on sort de la norme et donc ce faisant, on agite et on émeut le système entier. C'est simple en fait. Je veux qu'on parle des règles, je veux qu'on parle des fluides, je veux qu'on arrête ce silence, ce tabou qui n'a aucun sens. Je veux qu'on en parle. Alors, donc, on a devant nous une photographie un petit peu jaunie, parce qu'elle date des années 70. Émilie Bouvard. Qui représente une salle de bain très propre, une salle de bain de ménagère américaine parfaite des années 70, avec des petites lotions, des petites boîtes de coton, et notamment des petites boîtes de tampons. Et dans cette salle de bain immaculée et blanche se trouve une poubelle, et cette poubelle est remplie de serviettes hygiéniques, et sur le rebord du sort de petit socle sur lequel est posée la poubelle se trouve un tampon ensanglanté. Et alors, cette œuvre est une œuvre extrêmement célèbre pour l'art des années 70 en général et aussi pour l'art féministe. C'est une installation de Judith Chicago, qui est une artiste américaine. Donc en fait, plusieurs femmes, de la fin des années 60 au début des années 70, utilisent leur sang menstruel. Ça marche là? Oui, ça marche. Je suis sûr, normalement, c'est bon. Valley Export reprend le sang dans une performance de 1973 qui s'appelle « Man und Frau und Animal » et qui est une sorte de condensé de la vie d'une femme. On voit une main qui ouvre un robinet d'eau. Voilà, donc ça se passe dans une autre salle de bain, qui est décidément un univers très propice à la représentation du sang féminin. Et alors, ce qui se passe, c'est que Valley Export filme en gros plan le robinet, dont on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il ressemble à un pénis. Et au bout d'un certain temps, Valley Export entre dans la baignoire. Voilà, on voit l'eau s'écouler par la bonde de la baignoire, donc il y a vraiment une sorte d'imagerie sexuelle très, très, très claire, où on imagine un rapport hétérosexuel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pas du tout un rapport hétérosexuel. Voilà, on filme les tuyaux, enfin, tout est fait pour nous dire qu'il va être question de sexualité. Donc Valley Export, on ne verra jamais son visage, hein. On voit toujours le corps de la performeuse, c'est un film en noir et blanc. On voit toujours le corps de la performeuse se manipuler les objets. Et donc au bout d'un moment, elle prend le pommeau de douche, dont elle enlève le pommeau. Donc elle est nue dans la baignoire. On sait que c'est Valley Export parce qu'on reconnaît son tatouage sur la cuisse et elle a gardé son soutien-gorge. Et elle fait couler l'eau du pommeau exactement sur son clitoris, qu'on voit très très bien. Et donc elle se fait jouir. Donc ça, c'est la première phase de la performance. Et à l'issue de ce moment, on a eu un deuxième passage dans la performance qui est assez différent, qui est un petit peu conceptuel. Enfin, conceptuel, mais assez violent, c'est-à-dire on entend des grognements et on a un gros plan sur un sexe recouvert de sperme. Donc la masturbation féminine est opposée à une forme peut-être de viol, puisqu'ensuite on voit du sang sur ce même sexe. Et ce sang, on ne sait pas du coup si c'est le sang du viol ou le sang des règles en fait. Et finalement, dans une dernière phase, alors là effectivement très conceptuel, on a un bain de révélation photographique avec une image de sexe féminin voilà, et une main dont coule du sang sur le sexe. où là encore, on ne sait pas si c'est le sang des règles ou le sang du viol. Il y a une troisième artiste très importante autour du sang menstruel, c'est Gina Pan, qui en 1973, exactement le 11 janvier à la galerie Stadler, réalise une performance en trois temps qui s'appelle Autoportrait. D'abord, elle s'allonge sur une structure métallique au-dessus de bougies allumées, puis elle se met contre un mur, comme si elle se cachait dans un coin, et elle s'incise la lèvre inférieure, donc elle se fait une blessure. Et ensuite, elle se gargarise avec du lait. Et ensuite, la performance se termine, mais est exposée dans la dernière pièce une série de tampons usagés, qui sont aussi conservés par le Centre Pompidou. Caroli Schneemann, elle a une position très intéressante. C'est l'auteur d'une performance très célèbre qui s'appelle Meet Joy, qui a été créée au Festival de la Libre Expression à Paris en 1964, festival piloté par Jean-Jacques Lebel. Et donc très tôt, elle a eu beaucoup de happening. Elle a fait une œuvre érotique magnifique qui s'appelle Fuses, qu'on peut voir en vidéo sur internet, où elle se montre faire l'amour. Je crois que c'est la seule vidéo érotique heureuse en fait, voire pornographique qui existe, où elle est avec son compagnon James Tenney, ils sont en train de faire l'amour. Et puis donc elle a cette conscience féministe très tôt, et quand les mouvements féministes se développent par ailleurs, Elle inclut dans son travail encore davantage de propos féministes. Et donc, peut-être parce que aussi c'est quelque chose qui est en cours, elle fait le Blood Work Diary en 1972 à Londres, qui est un peu comme le travail de Laetitia Bourget. C'est une série de tissus, en fait, sur lesquels elle prend son flux menstruel. C'est plusieurs panneaux. Voilà, donc on a un détail ici. Voilà, c'est plusieurs panneaux, et elle prend le matin, le midi, elle met exactement les jours, etc. C'est ça qui est intéressant aussi avec ça, c'est que beaucoup d'artistes jouent un peu avec l'abstraction, avec ces œuvres-là, avec l'expressionnisme abstrait, qui est un milieu très viril, avec des pratiques d'art informel, tachiste, de gestualité. Et au final, ce qui est assez frappant, moi, je trouve, avec ces œuvres, c'est que, à nouveau, elles sont assez belles, ça devient des pièces abstraites, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas non plus de quoi faire un tel tabou, finalement. Ça n'est que un peu de sang sur des mouchoirs. Je pense que, en faisant ça, elles sont très provocantes et provocatrices, mais si on fait l'effort de regarder ces œuvres, on a plutôt le sentiment de quelque chose d'assez beau, mais qui ne doit peut-être pas donner lieu à tant de tabous et de représentations négatives. My Bed, c'est une œuvre de l'artiste Tracy Emmett qu'elle a créée en 98, qui a été exposée à la Tate Modern en 1999. Donc c'est son lit, sa chambre déplacée dans le musée. Et parmi les objets, c'est un lit défait avec toutes sortes d'objets, de choses, etc. Un lit de femme, c'est aussi une manière pour elle de se rattacher aussi à cette histoire qu'on a décrite du féminisme en art. Il y a une culotte souillée de sang. Et c'est quelque chose d'un petit peu différent, puisque par rapport à ce qu'ont fait Annette Messager et Christian Boltanski en exposant le drap, parce que dans un cas, on a un drap souillé qui prend place dans une installation un petit peu fantastique, un petit peu liée un peu au surréalisme, à la mémoire, à des constructions imaginaires. Voilà. Dans l'autre cas, on a au contraire une artiste qui présente avec brutalité sa réalité de vie et sa réalité sociologique. Je saigne, donc je suis. Quand le sang coule, c'est un repos. ouverte, tranquille, tu te laisses aller. Des douleurs sont là, curieusement peu localisables. Des douleurs remuantes, baladeuses. Des douleurs ? Qui a dit douleur ? Ce n'est pas ce mot-là. Plutôt une tension, une attention extrême aux mouvements intérieurs. Et une fébrilité endormie, engourdie, cotonneuse. D'où le coton entre les jambes. Il te semble que ça te fait perdre équilibre, que ça déplace ton centre de gravité. Tout est blanc, cotonneux, léger, épais et doux. Tu t'aimes vraiment avec beaucoup de tendresse les jours de sang. Quand j'attends les règles, j'ai des seins amoureux, avides, aigus. Cette sensibilité des seins est une sorte d'excellence du corps. Le dessin extrême appuyé de son contour. L'intensité du corps habituel est comme un vide implicite. Ici, l'intensité informe le corps d'un dessin exquis. Mon corps se parle et se dit à lui-même. Nancy Houston. Attends, je le rallume, je cherche le mail. Voilà. Et puis on dit que tu lis les citations, je te passerai le téléphone. Okay. Bonjour Brigitte. Je pense que Sophie Doll vous a averti par courriel du désir de vous contacter pour vous soumettre un entretien. Brièvement, je prépare depuis 2 mois une série de 4 émissions destinées à France Culture, LSD, la série documentaire, réalisée avec Nathalie Battus et la diffusion est prévue pour début octobre. Cette série porte sur les règles féminines et la dernière partie est consacrée à la place de ce sang dans l'art. Si j'ai pu obtenir le témoignage de plasticiennes qui travaillent ce flux comme une matière picturale, je n'ai pas de témoignage d'écrivain. J'ai lu avec plaisir « Avoir un corps ». J'aimerais tenter de partager avec vous une discussion à propos de cette difficulté encombrante. Comment trouver les mots pour écrire le secret de cette sécrétion ? Sous quelle forme inscrire sur la page ce flot ? Quelle part accorder à la métamorphose, à la métaphore, la fiction, l'autobiographie ? Pourquoi ce sang, présent ou absent, se fait-il si rare dans la littérature comme un flot tue ou tarit ? En effet, mis à part Marie Redonnet, Marie Darieussecq, Annie Ernaux, Hélène Cixous, Nancy Houston, je n'ai pas trouvé beaucoup de traces de ce bouleversement intime et féminin dans ses romans. Si ! Je me souviens maintenant d'un témoignage de Marguerite Duras qui m'avait frappée à l'époque et dont je retrouve aujourd'hui la trace sur le net. Alors voilà, tu lis ce qu'il y a entre guillemets. J'avais 11 ans et demi, j'avais mes règles pour la première fois et je suis restée 1 mois avec mes règles. Je me baignais toujours et mes règles ne cessaient jamais. C'est sans doute à cette époque-là que j'ai approché le plus la folie. Je crois que pendant 1 mois, j'étais réveillée. Toujours par les mêmes rêves, des rêves meurtriers. Je voulais tuer ceux que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire mes frères et ma mère. Je voulais tuer tout. C'est une des périodes les plus difficiles de mon existence. C'est une sorte de folie meurtrière qui s'est emparée de moi à cet âge-là. Alors attends, maintenant je vais essayer de trouver la réponse de Brigitte Giraud. Je crois que... Oui. Chère Juliette, alors j'ai réfléchi. Et je me suis dit que je ne me sentais pas capable, justement, hors le cadre de l'écriture, d'avoir une parole, une pensée, à propos de cette chose si particulière, les règles. La seule chose que je serais capable de dire est que, lorsqu'une femme écrit, elle est le plus souvent rangée dans la case de l'intime, alors que quand c'est un homme, on parle de son roman en disant « politique, historique, aventurier, etc. » J'ai peur de ne pas être capable de parler des règles, mais seulement de contourner, justement parce que cette étiquette de l'intime, elle m'a épuisée, peinée et même parfois découragée. C'est cet angle qui m'intéresserait dans une prise de parole. L'écriture féminine est-elle perçue comme intime parce que la femme est un être de l'intérieur ? J'ai entendu dire souvent qu'Avoir un corps était un livre de femmes sur les femmes, et cela m'a glacée. Il me semble que c'est un livre qui parle autant des hommes, de leur corps, du mystère, et qui s'adresse également aux hommes. Mais peut-être je m'égare. À très bientôt, merci, blabla. Bien à vous. Dernière lettre de cet échange. Chère Brigitte, je comprends votre sensation d'incapacité, et j'entends cette perplexité face à l'intime, au féminin et à l'écriture. Alors quoi dire, quoi ajouter ? Je ne sais pas. Votre phrase sur la femme être de l'intérieur me fait réfléchir. Je vous souhaite une belle nuit, amicalement Juliette. PS. Deux dernières pensées. Celle attachée à une confession d'Annie Ernaux à propos de mémoire de fille. J'ai voulu l'oublier, cette fille, l'oublier vraiment. C'est-à-dire ne plus avoir à écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle. Son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil. Sa faim et son centauri. Je n'y suis jamais parvenue. Attendez, vous allez enfoncer mon tympan. Ça y est. Oh merde, il va encore falloir que j'aille voir un gynécologue et que je lui dise avec une petite voix douce. Je sais pas ce qui est arrivé, j'ai perdu mon tympan. Ça m'emmerde, vous vous rendez pas compte? Il peut me sortir par les narines. Mais c'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à l'enlever. Je ne peux pas passer une nuit tranquille sans baiser. Je vous avais dit que je ne voulais pas baiser. Écoutez, je ne peux pas rester comme ça. Alors faites-moi un toucher, essayez dans les stampals. Mais je ne sais pas. Vous êtes con, fouillez. Si vous sentez quelque chose, tirez. J'ai peur de vous faire mal. Mais non, ça ne fait pas mal. Vous ne savez donc rien faire. Comment avez-vous dit? À toucher? Oh, arrêtez de rire. C'est pas marrant, je vous assure. Bon, bah. Je vais essayer. Ah. Je crois que je sens quelque chose. Ouais, tirez. Ah, ça y est, là. Donnez-moi ça. J'appelle Françoise Lebrun, la putain de la maman et la putain d'Eustache, qui chaleureusement me dit qu'elle ne voit pas très bien ce qu'elle pourrait dire des règles au cinéma, en littérature ou ailleurs. Je n'arrive pas à joindre Dominique Cabrera, cinéaste avec laquelle j'aurais aimé discuter de ce flux au cinéma. Je ne peux m'empêcher de rester dans une sorte de veille menstruelle, en remarquant chaque passage de ce sang sur le net ou ailleurs. Cette veille est alimentée par Séverine, Caroline, Chantal, qui ne cesse de m'envoyer des articles. Ainsi, Séverine m'informe de trois séries. Scène 1, en pleine émeute à Litchfield, la prison d'Orange is the New Black. Une détenue se met du sang de règle sur le visage pour simuler une blessure. Scène 2. Dans le dernier épisode de I Love Dick, Chris va enfin réussir à séduire Dick, mais leur préliminaire s'arrête quand il se rend compte qu'elle a ses règles. Scène 3. Dans l'épisode 8 de Glow, Sam dit à une femme « Comment ça je ne t'aime pas? Je viens juste de te faire l'amour alors que tu as tes règles. » Bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor? Hein? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc... Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes? Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes. Ah, plutôt... c'est un problème? Non, alors donc c'est bien que tu restes. Oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voulais. Voilà, c'est une expression, d'accord. Je propose qu'on chante. Ouais. J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume. Justement, je pratique déjà l'évacuation naturelle. Alors, c'est sûr, j'ai encore quelques coulées intempestives, mais j'aborde plus les règles du tout de la même manière. Bah ouais. Je me suis mise à les aimer. Je les attends. J'ai même hâte qu'elles arrivent. C'est joli. Comme moi pour mes selles. Put niet zijn verloren als zetten en plaatsen van maken. An apple is called an apple because the name apple is written down. Not having to do with depreciation. Niet te maken hebben met Paola Daniele. Je me suis dit mais pourquoi après on arrêtait finalement d'utiliser le sang dans les théâtres ou dans les performances. J'ai lu beaucoup les recherches de Chris Bobel et l'associait cette interruption au fait qu'il y avait la découverte du virus du SIDA et tous les artistes même ils ont arrêté de l'utiliser, donc dans les années 80 on a eu vraiment un stop par rapport à l'utilisation du sang. Et donc pour revenir à mon travail, voilà, je me suis dit c'est le moment là de reprendre en main tout ça, et donc en faisant cet hommage aux artistes des années 70, j'ai dit je vais tester vraiment de montrer le sang pour voir aussi qu'est-ce qui se passe avec le public. En fait, depuis l'enfance, que les sens, ça m'interpelle, mais j'ai décidé de l'utiliser dans l'art. Je voulais le rendre un objet poétique. Et donc, c'est pour ça que je l'utilise d'une façon quasiment liturgique. Je le montre, les gens, quand je le montre, le public, c'est pas un banal participant. Il fait vraiment partie de la célébration, comme une espèce de messe. C'est-à-dire que dans mes performances, c'est bouleversé toute cette conception. Et finalement, c'est un son de la vie, donc, qui peut être très précieux pour l'homme et pour la femme. Et donc voilà, au début c'était, j'avais acheté une grande coupe en verre où j'avais mis au début les trois serpents et ça commençait avec les sons. Il y avait des sons qui faisaient des sons aussi d'eau un peu métallique. Donc ça commence avec, je commence à lire un texte d'Hélène Cixous. J'ai juste une jupe noire transparente et je suis sans nu au début. Et en fait, j'ai le sang menstruel qui s'écoule de mon vagin. Donc, je montre ce qu'on ne devrait jamais montrer, qui fait fuir les diables chez Rabelais, par exemple, ou dans les contes de La Fontaine. En fait, il y a dans un conte de La Fontaine, quand une femme lève sa jupe, les diables, il fait un geste de dégoût. Et en fait, il y a beaucoup d'anecdotes à propos de ces gestes. Et, mais si on montre un vagin qui saigne, c'est vraiment quelque chose de, qu'il faudrait presque appeler l'exorciste en Italie, parce que bon, j'ai eu une éducation catholique, donc on comprend depuis l'enfance que c'est un sujet vraiment tabou, et alors qu'on a un rapport avec les sens très étroit, parce que dans le sud d'Italie, tout le folklore, toute la culture populaire, elle est très associée au sang. Et malgré ça, dès qu'on nomme les menstruations, tout le monde s'éteint, même en famille, on ne peut pas en parler, même quand on a les premières règles, par exemple, le père, il est toujours le dernier à le savoir, on en parle juste entre femmes, et il faut jamais dire elle a eu les menstruations, mais on dit, il y a des, en fait on dit des phrases, par exemple on dit par exemple la mère, elle appelle la tante, dit ah volevo dirti che è caduta dalle scale, pour dire voilà elle a eu ses premières règles. C'est hallucinant. J'utilise aussi la carabine, souvent je fais une espèce d'hommage à Niki de Sanfal. J'ai tiré avec une carabine sur une robe de mariée, parce qu'en fait j'ai une autre obsession, peut-être que ça revient aussi de mon enfance, c'est la robe de mariée. Et donc je ne collectionne, mais je l'utilise bien sûr pas, je l'utilise d'une façon différente. Et donc voilà, c'était une robe où j'avais placé des dahlias et je l'avais rempli de dahlias, et donc avec une carabine je tire sur les dahlias, et après je fais couler sur mon corps les sons menstruels. Et là la réaction du public, elle était assez forte, parce que c'était plusieurs mois, et en général quand on le décongèle, ça sent pas très fort, mais ça peut arriver. Parce que quand tout le monde, on a beaucoup parlé de l'odeur aussi du sang menstruel. Simone de Beauvoir, c'était la première qui l'associait à l'odeur de Violette Fanet. Mais en fait, tout le monde sait que quand il s'écoule, dès qu'il s'écoule, il a une odeur de fer au maximum, mais il n'a pas une odeur de cadavre, comme les personnes disent. Et moi, ça m'énerve quand elles parlent, elles disent, mais ça sent quoi, les vagins et tout ça. Moi, je dis, les vagins, ça sent un vagin. Parce qu'on l'associe souvent à des odeurs de poisson, des choses comme ça. Mais en fait, les sons, on a maintenant compris que quand il y a une odeur particulière qu'on peut reconnaître, c'est parce qu'en fait, ça rentre en contact avec des blanchisseurs chimiques, des serviettes, des tampons. Et donc, ça, ce mélange, ça donne une odeur typique. Mais en fait, si moi, quand je le garde, je le récolte avec la coupelle menstruelle, que c'est très bien pour moi, parce que du coup, je peux en prendre beaucoup. Et donc il n'a pas une odeur forte. Après, bien sûr, si on le garde en dehors du frigo, c'est normal, c'est quelque chose d'organique, donc ça va en décomposition. Et donc, pour revenir au festival, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, c'est la première fois qu'il y avait une forte odeur vraiment qui se répandait. Peut-être qu'il y avait la climatisation aussi qui aidait à répandre l'odeur, donc il y avait toutes les gens qui mettaient un tissu sur les nez, etc. Mais certains ils sont même partis. Partendo da una scrittura d'azione diretta, con la performance Medusa si vuole recuperare un corpo confiscato dalla cultura patriarcale e misogina, esporre al rimosso, alla rottura dei confini del proprio io, provocare un'offesa al pudore, mitragliando le torri di controllo, perché è tempo di liberare, conoscendola e amandola. C'est une hymne à la connaissance et à l'amour pour retrouver la nouvelle femme et la libérer de ce corps qui était confisqué. C'est comme une flèche qui s'en va de l'arche et donc qui se retrouve pour redevenir soi-même. Hélène Cixous, Il riso della Medusa. Rouge cardinal, amarant, rouge carmin, bordeaux, rouge cinabre, brique, rouge cinabopale, cerise, rouge coquelicot, corail, rouge cramoisi, écarlate, rouge cramoisi, fraise, rouge andrinope, fraise écrasée, rouge d'aniline, framboise, rouge de falin, fuchsia, rouge de mars, rouge grenadine, écrevisse, rouge de feu, grenat, rouge feu de, incarnadin, rouge garance, incarnate, rouge groseille, magenta, rouge ponceau, magenta rouge foncé, rubis, rouge sang, magenta fuchsia, rouge tomate, mauve, rouge tomette, macara, rouge turc, rouge vermillon, rouge vermillon clair, rouge violet, pourpre, rouille, prune, sang de bœuf, rose vif, senois, rouge alizarin, rouge vermeil, anglais, rouge bismarck, Gisola, rouge bourgogne, rouge capucine. Au départ, le dessin est rouge. Oui, ben oui, en fait, les peintures, elles sont réalisées sur une durée de... Laetitia Bourget. De 4 jours à une semaine. Parce que pour qu'il y ait comme ça, pour que la matière soit homogène et que je puisse... Et en fait, ce qui est étrange avec le sang, c'est que c'est un travail... de peinture, donc sur une surface, on applique des pigments, on travaille la transparence, l'épaisseur. Mais en fait, dans le ressenti, ça me fait l'effet d'un travail de sculpture. Parce qu'il y a comme... C'est un travail de sculpture en surface. Il y a comme quelque chose d'une homogénéité de la matière qu'il ne faut pas perdre, en fait. Comme si je travaillais de la terre et qu'il fallait voilà, rester dans la durée où la terre reste malléable. Et donc ça dure comme ça 4-5 jours où le sang il est encore frais, il est très rouge et où je peux orienter, modeler, rajouter. Et après, ben, une fois que ce temps-là est dépassé, il y a une obsolescence entre le sang frais que je pourrais apporter et celui qui est séché. Où c'est plus délicat. Donc il y a quelque chose comme ça de... Ouais, de... Il y a... Ouais, il y a... Je sais pas, en fait, comment... Il y a une durée de vie de la matière, en fait. Et quand elle est toute fraîche, la peinture, c'est vrai que, bah voilà, c'est un sang vif. Souvent, les photos que je diffuse, c'est au moment où la peinture est juste finie. Où je me dis, c'est bon. Là, je pense que l'équilibre est là. Donc, je fais une photo. Et la tonalité dans la photo, elle va disparaître, en fait. Elle n'est pas conservée. C'est à la fois une odeur de sang et c'est aussi le sang de ma muqueuse. Enfin, donc, il y a une odeur qui est liée à ma muqueuse. Il y a une empreinte... mon compagnon, donc à la naissance de nos enfants, m'a parlé de l'odeur de l'intérieur de moi. C'est une empreinte olfactive qui sort à l'extérieur et qui, une fois qu'on sent l'intérieur, est encore plus ressentie. Donc il y a, en fait, dans l'odeur des peintures, il y a un mélange... J'ai sans doute pas une capacité à l'identifier aussi précise que quelqu'un d'autre, puisque ça, c'est comme enfin, se sentir soi-même, c'est un peu délicat. Mais il y a une odeur qui est liée à comme quelque chose de cuit, un peu sucré, un peu comme du cuir, un peu. C'est pas un parfum qui est agressant, c'est pas quelque chose qui relève de ce qu'on peut repérer dans le désagréable, qui évoquerait la décomposition, quelque chose qui serait pénible en fait. Non, mais c'est parce que je pense que c'est traité aussi en fine couche et que le sang sèche, il se dégrade pas, il s'oxyde. Là, on voit en fait, il est sépia, celui-là, par rapport aux autres, parce que je l'ai fixé plus tard. Et donc, avec l'oxygène, en fait, le sang réagit et change de couleur. Mais c'est vraiment, voilà, c'est très doux, quoi. C'est pas quelque chose d'inquiétant au niveau de l'odeur. Et le dernier, alors, il y en a un autre. Le dernier. Ouais, alors, celui-là, il s'appelle Skull, le crâne. Et c'est un portrait de Basile, qui est un petit garçon qui va avoir 10 ans maintenant. Là, ici, sur cette image, je pense qu'il en a 6. Et ce portrait met en scène un peu ses contradictions. C'est un enfant qui a recours au pouce pour trouver le réconfort, qui a quelque chose de tendre dans le regard, qui est... Et en même temps, qui est d'une audace et... qui cherche à transgresser, quoi, qui est quelqu'un de transgressif par nature. Donc il a ce t-shirt avec le crâne, qui est quelque chose qui est aussi très très ambivalent chez lui, la relation à la finitude, à la mort, puisqu'il est audacieux, il n'a pas de peur, mais en même temps il interroge beaucoup l'existence avec un fond anxieux quand même. Chose d'un peu angoissé. Donc il brandit ses deux doigts sous la forme d'un pistolet qui attaque l'autre, qui met l'autre au défi, et en même temps il suit son pouce comme ça. Le sang est un peu cailloté là sur le t-shirt, parce que c'est le t-shirt du crâne là qu'on a le plus. Oui. C'est marrant parce que ça n'a pas fait des coulures, fait plutôt des réseaux comme ça là. Ouais. Ça fait des réseaux. Oui. Et c'est pas au pinceau, ça, là ? Si, si. Et là, sur celui-là, j'ai travaillé en laissant sécher chaque couche pour être dans l'accumulation de matière, en fait, sur le t-shirt, pour qu'il y ait de l'épaisseur et du coup qu'on ait comme ça des coagulations, qui est comme ça des zones plus denses où on se met à sentir, en fait, des réseaux de matière, un peu. Mais en même temps, ça reste... je trouvais que l'image de sa posture était suffisamment forte, en fait, pour pas que le t-shirt dans sa matière soit trop chargé de coulures. Il fallait que ça soit subtil, comme une sorte de... Il est épais, là, je dirais. Voilà, il est épais. Il a une densité. Une densité. Chercher le bon dosage de densité. Pardon. Entre le moment où j'ai commencé à développer ces activités avec le sang, la peau, les cheveux, il y avait des frictions en effet avec le public de ces œuvres. Il y avait des résistances par rapport au fait de m'accorder des aides ou pas, de m'accueillir dans certains lieux, le fait que ça puisse à des moments remettre en question certains modes de financement par la nature même de mes œuvres. Mais aujourd'hui, ce que je ressens est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que là, j'ai un sentiment d'une crispation telle par rapport à ce que évoque mon travail, que je me suis vraiment de plus en plus sentie invitée à la clandestinité. Et j'en ai fait un peu une force aussi, c'est-à-dire que j'ai multiplié les axes d'approche par rapport à mon propos artistique. J'ai développé de l'écriture d'albums donc, qui permet d'offrir aux enfants aussi un accès par rapport aux questions de l'existence qui me taraudent, qui est approprié pour eux, Et puis, du coup, j'ai mon travail de laboratoire. Voilà. Je considère un petit peu certaines de mes activités comme un peu de la recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale, je pense qu'il y a un bénéfice à le partager, mais je suis beaucoup moins fragile par rapport au fait de ne pas rendre public de manière très, très médiatisée ce travail-là. D'autant plus que je mesure le risque augmentant, quoi, socialement, le scandale augmentant, la potentialité du scandale augmentant. J'ai déjà vécu des décrochages d'exposition, des choses qui étaient comme ça pas très plaisantes à vivre, à une époque où c'était plus soft quand même la réaction. Et aujourd'hui, je sens que voilà, c'est personnellement, ça m'intéresserait pas d'avoir à argumenter dans des médias par rapport à mon travail, en fait. Là où je me trouve, il y a une douceur qui est la douceur d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait. Et je cherche pas à imposer aux autres, je cherche pas à exploser les tabous ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai plus une conviction dans la puissance de l'insidieux, de ce qui est comme ça par la marge, petit à petit, accepté, acceptable, plutôt que par le rapport frontal et brutal, quoi. Vivre est heureux. Voir, entendre, toucher, boire, manger, uriner, déféquer, se plonger dans l'eau, regarder le ciel, rire, pleurer, parler à ceux qu'on aime. Voir, entendre, toucher, boire ce qu'on aime et mêler son corps à leur corps est heureux. Vivre est heureux. Voir et sentir le sang tendre et chaud qui coule de soi, qui coule de source, une fois par mois est heureux. Être ce vagin, œil ouvert dans les fermentations nocturnes de la vie, oreille tendue aux pulsations, aux vibrations du magma originaire, main liée et main déliée, bouche amoureuse de la chair de l'autre, être ce vagin est heureux. Vivre est heureux. Être enceinte, être citadelle, hautement et rondement close sur la vie qui pousse et se dilate au-dedans, c'est heureux. Mais accoucher, c'est vivre aussi intensément qu'il est possible de vivre. C'est le somptueux paroxysme de la fête, expérience nue, entière de la vie. Accoucher est plus que tout heureux. C'est le cœur au ventre de toutes mes révoltes, c'est la juste racine de mes indignations, c'est la terre originelle de la parole que j'essaie. Mais encore, le lait qui monte vers la bouche de l'enfant égorge douloureusement le sein est heureux, et l'enfant animal avide qui tète. Vivre est heureux. L'avons-nous jamais su? Le saurons-nous jamais? Annie Leclerc. L'art des règles de Juliette Boutillier et Nathalie Battus. Au bas de ton vêtement, la nouvelle lune vient de paraître. Au bas de mon vêtement, la nouvelle lune apparaît tout naturellement. C'est très joli. Avec Laetitia Bourget, Paola Daniele, Maëlle Bossan, Émilie Bouvard. Remerciements chaleureux à Armelle Bertrand, Ingrid Berton-Moine, Sophie Quignard, Marianne Rosenstiel. Merci à Brigitte Giroux de nous avoir prêté un extrait d'Avoir un corps. Extrait de texte. La sorcière de Nancy Houston. Être vivante d'Annie Leclerc. Texte lu par Sophie Doll et Christophe Hardy. Extrait de film. La maman et la putain de Jean Eustache et Problemos d'Éric Judor. Mixage, Alain Joubert. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, replay et podcast avec sa bouillotte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Bonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, Virginité, je me souviens.